Unité 4. Tâche 1 A. Bonsoir et bienvenue à notre émission « J'ai un problème ». Comme toutes les semaines, nous avons avec nous Albert Rodriguez, psychologue à la Maison Verte à Toulouse, et qui, à la fin de cette émission, nous donnera son avis sur le problème posé aujourd'hui. Nous accueillons aussi au téléphone Bernard Senasson, qui nous parlera justement de son problème. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Avant de donner la parole à Bernard, je vous rappelle que vous êtes invité à vous exprimer sur son problème. Vous pouvez participer à cette émission en téléphonant au 05 38 00 55 55 pour nous donner en direct votre opinion. Alors maintenant, nous vous écoutons Bernard. Quel est votre problème ? Alors tout d'abord, merci à vous de m'accueillir. Merci à tous ceux qui voudront bien participer à cette émission et m'aider. Alors mon problème est le suivant. Depuis que nous sommes mariés, il y a 2 ans, ma femme refuse qu'on achète une voiture. Ce n'est pas une question d'argent, car heureusement, notre budget le permettrait. Mais c'est une question de conviction. Elle est très écolo, et elle dit qu'elle se sentirait coupable de collaborer à la destruction de la planète. Donc elle s'oppose à ce que l'on fasse cet achat. On sait que les voitures sont de moins en moins polluantes, et je lui ai même proposé un modèle écolo, mais elle ne veut rien entendre. Vous savez, d'une part, j'aime beaucoup conduire. J'en suis empêché. D'autre part, même si on vit au centre-ville, parfois il est bien utile d'être motorisé et ça nous simplifierait bien la vie. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour convaincre ma femme ?